famille de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Depuis les années 60 et l'introduction des équipements stéréo dans les foyers, tout le monde sait ce qu'est la high fidelity, la hi-fi, autrement dit la haute fidélité. Après avoir entendu Michel Philippot dans le quatrième volet de la série que Guy Erisman consacrait en 1964 à l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, beaucoup découvriront qu'il n'en savait peut-être pas aussi long que cela. Disparu en 1996, compositeur, théoricien et musicologue, compagnon de route de Raymond Queneau et de Lou Lippo, Michel Philippot fut, parmi la multitude de ses activités et compétences, un grand pédagogue et un très grand nom de la RTF, puis de l'ORTF et de l'INA. C'était en quelque sorte un cours magistral sur le son, sur l'art de l'enregistrement, de la restitution, mais aussi de l'écoute de la musique, qu'offrait aux auditeurs Michel Philippot dans l'émission que nous allons entendre. Tout à la fois magistralement érudit, clair et abordable, à l'image de la personne qu'il était, selon les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé à la radio, au Conservatoire de Paris ou au groupe de recherche musicale. Magie et vérité des sons, quatrième des 12 épisodes de l'enquête sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, entretien avec Michel Philippot, diffusé la première fois le 28 juillet 1964 sur France Culture. L'occasion d'entendre que la fidélité totale et absolue en matière d'enregistrement et de restitution de la musique, tout au moins, ça n'existe pas. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Nous recevons aujourd'hui Michel Philippot, qui est le chef du service des illustrations musicales de la radiodiffusion et télévision française. Michel Philippot, je m'honore de vous connaître, puisque par nos fonctions, nous sommes appelés à nous rencontrer tous les jours. Mais je vous ai bien connu aussi autrefois comme le plus brillant des musiciens metteurs en ondes. Et de plus, vous êtes compositeur. Un compositeur orienté vers une esthétique nouvelle, alimenté de matériaux sonores d'un type nouveau et même révolutionnaire. C'est donc à plus d'un titre que je vous demande d'apporter votre contribution à l'enquête que j'ai entreprise sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Vous avez écrit très récemment une étude qui avait pour titre « À la recherche de la haute fidélité ». Et vous pensez bien qu'une telle étude n'est pas passée inaperçue à mes yeux et à mes oreilles. Car cette question de la haute fidélité est au centre de mes préoccupations. Vous avez débuté par une phrase qui m'a beaucoup intrigué, mais qui, dans le fond, est assez claire pour moi tout au moins. Vous avez dit « la haute fidélité peut prêter à équivoque ». Et vous avez déduit que cette haute fidélité pouvait être commerciale, technique ou esthétique, c'est-à-dire qu'elle pouvait être différente selon qu'elle était considérée par un commerçant, par un physicien, ou par un artiste. Pouvez-vous préciser ? Ces notions sont assez faciles à préciser. Supposons par exemple le cas d'un commerçant qui vend des appareils ayant l'étiquette haute fidélité. Cela veut dire tout simplement que les appareils en question doivent correspondre à certaines exigences techniques qui sont des exigences minimales, bande passante ayant une suffisamment grande largeur, taux de distorsion pas trop élevé, bruit de fond également pas trop élevé, etc. Ces contingences purement techniques et techniques du point de vue commercial ont d'ailleurs été précisées plusieurs fois. Ils l'ont été notamment par Monsieur Didier, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Par contre, pour le physicien, la haute fidélité est une notion tout à fait abstraite, c'est-à-dire que le signal tel qu'il est restitué doit être exactement le même que celui qui se présentait à l'entrée d'une chaîne de transmission. Du point de vue purement physique ou électronique, on peut dire que nous sommes très près de la haute fidélité, Mais les choses se gâtent si le physicien en question est en même temps un psychologue. Parce qu'en fait, alors là, le signal, avec l'intégralité de son contenu, c'est-à-dire à la fois un contenu sémantique qu'il est assez facile de transmettre s'il s'agit simplement d'une communication téléphonique, mais également son contenu esthétique, doit se trouver restitué non seulement à la sortie du haut-parleur, mais également dans l'esprit de l'auditeur. De sorte que la haute fidélité artistique, esthétique, du point de vue de l'artiste, est soumise à des conditions que, d'ailleurs, le physicien est apte à résoudre théoriquement, mais je dis bien seulement théoriquement, et qui sont pratiquement impossibles à résoudre en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bande passante en ce qui concernait la haute fidélité vue par un commerçant. Quelles sont les références auxquelles peut faire allusion un commerçant en ce qui concerne la bande passante? L'oreille humaine. Alors, il y a une référence qui, évidemment, est tout de suite la principale, encore qu'elle soit soumise à une certaine évolution, c'est l'oreille humaine. Si on se réfère à l'oreille humaine, il faudrait prendre l'oreille humaine normale, ce qui ne peut être qu'une moyenne statistique faite à partir d'un certain nombre d'individus, le plus grand nombre d'individus possible, et à ce moment-là, cette oreille humaine normale, à l'âge moyen, disons vers 35 ans, qui peut être représenté comme l'âge adulte moyen, à 35 ans, a une bande passante qui lui permet d'entendre des sons graves à partir d'une trentaine de vibrations par seconde, une trentaine de hertz, ce qui correspond d'ailleurs aux sons les plus graves de l'orgue, et d'entendre des sons aigus qui vont jusque 15 à 16 000 vibrations par seconde, ou 15 à 16 000 hertz, ce qui correspond aux résonances des instruments normaux, alors que la note de musique, la fondamentale, a une fréquence beaucoup plus faible. Au fur et à mesure que l'âge augmente, l'oreille humaine perd ses qualités vers l'aigu. Il les garde généralement vers le grave. Ce qui veut dire que, en fait, un vieux chef d'orchestre, et même expérimenté, n'entend certainement pas le timbre des violons comme les entend un enfant de 10 ans. C'est donc là où le physique rejoint presque l'esthétique. Et justement, à ce point de vue, je voulais vous demander si vous mettiez un signe égal entre la haute fidélité et la vérité. Certainement pas, parce que pour mettre un signe égal entre la haute fidélité et la vérité, il faudrait rallier alors entièrement le point de vue du physicien. Le signal à l'entrée est-il, oui ou non, le même, sur le plan acoustique, que le signal à la sortie ? Si c'est le même signal, eh bien à ce moment-là, il n'y a aucune discussion possible, il s'agit bien de la haute fidélité. Mais en fait, pour l'artiste, il s'agit de savoir à quoi on est fidèle. Et ce n'est pas toujours si facile lorsqu'il s'agit de musique. On peut déjà dire que, quelles que soient les qualités techniques, un concert écouté dans une salle de concert, dans l'ambiance d'une salle de concert, entouré d'autres auditeurs avec lesquels on communie dans un certain amour de la musique, ou si c'est une œuvre qu'on est venu pour siffler, dans une certaine répulsion d'une certaine musique, enfin, lorsqu'on appartient à une collectivité, on est a priori placé dans une ambiance tellement différente que celle dans laquelle on se trouve lorsqu'on est chez soi, en face d'un haut-parleur, voire de plusieurs haut-parleurs, mais nous soulèverons la question de plusieurs haut-parleurs plus tard. On est dans une ambiance tellement différente qu'on ne peut pas dire que, sur le plan psychologique, la vérité soit restituée, bien qu'elle puisse l'être physiquement en ce qui concerne les distorsions, la bande passante, le bruit de fond, etc. Ensuite, il faut savoir à quoi on doit être fidèle, et si on parle de musique, il faut se dire qu'on va être fidèle à quelque chose. Cette référence, ce quelque chose, c'est en définitive ce qu'a pensé le compositeur, ce qu'a voulu faire le compositeur. Et il arrive que la pensée du compositeur elle-même soit tellement abstraite, tellement lointaine, que déjà on arrive à faire des quantités de versions différentes d'une même œuvre, et qu'ensuite cette pensée abstraite est presque en dehors de toute contingence instrumentale. Il y a un exemple qui est célèbre en ce domaine, c'est l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, qui en fait n'avait été écrit au départ pour aucun instrument. C'est donc l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach que vous nous avez donné en exemple, et c'est l'interprétation la plus abstraite pourtant d'une musique qui est d'ailleurs par essence elle-même très abstraite dans l'idée de Jean-Sébastien Bach, car Bach ne l'a jamais formulée autrement que sur le papier. Oui, ce qui nous pousserait à dire que, en fait, cette interprétation abstraite n'est pas encore assez abstraite. Mais cependant, on peut affirmer que l'auditeur moyen a le droit d'y éprouver du plaisir. S'il a le droit d'y éprouver du plaisir, c'est que, par conséquent, on doit en refaire une version concrète, puisqu'on ne peut demander à personne de se délecter de l'art de la fugue simplement en lisant la partition. Mais ceci est également valable pour des quantités d'œuvres, et surtout les œuvres du passé, puisqu'en fait, nous ne sommes jamais sûrs que ce que nous entendons des œuvres du passé corresponde à ce qu'avait effectivement pensé le compositeur. Nous sommes même généralement sûrs du contraire. En ce qui concerne, par exemple, et n'allons pas dans un passé très lointain, restons au XVIIIe siècle. En ce qui concerne les œuvres qui sont parmi les plus répandues parmi l'acheteur moyen de disques classiques, disons par exemple les concertis de Vivaldi, nous sommes maintenant absolument certains que ces interprétations, ces versions qu'il entend d'un concerto de Vivaldi n'ont rien à voir avec ce que Vivaldi avait entendu lui lorsqu'il faisait jouer ses concertis, d'abord par un effectif beaucoup plus restreint, et ensuite par des instrumentistes dont nous avons tout lieu de craindre qu'ils seraient de très médiocres amateurs à côté des instrumentistes que nous avons actuellement dans nos orchestres modernes. Mais on peut toujours se poser la question, et celle-là, il n'est pas possible d'y apporter une réponse, est-ce qu'en fait Vivaldi n'aurait pas été satisfait de nos interprétations modernes, de nos enregistrements modernes, et est-ce que ce n'est pas ça que dans le fond il attendait? Ça c'est une hypothèse qu'il est permis de faire, nous ne pouvons pas répondre. Là-dessus, il est toutefois douteux qu'il ait pu imaginer des choses dont il n'avait au départ eu aucune connaissance. Je ne suis pas tellement, personnellement, optimiste sur la puissance de l'imagination humaine. Je crois que nous imaginons plus volontiers des choses que nous connaissons déjà, plutôt que des choses que nous ne connaissions vraiment pas du tout. Par deux fois, vous avez prononcé des mots extrêmement symptomatiques, extrêmement dangereux. D'abord le mot « plaisir » et ensuite le mot « satisfaction ». C'est donc, en conclusion, ce à quoi doivent tendre l'enregistrement et la restitution des sons. Et vous avez écrit également « La satisfaction de l'auditeur mélomane n'est généralement obtenue qu'au prix d'une évolution, d'un progrès, d'un enrichissement perpétuel de la matière sonore qui lui est fournie. » Pouvez-vous vous expliquer ? Oui, parce que je suis persuadé que le plaisir musical, comme beaucoup d'autres plaisirs, est à base d'un certain étonnement quand même, d'un minimum d'étonnement. Je vais essayer de m'expliquer le mieux possible là-dessus. Lorsque, par exemple, en 1933, on a entendu les premiers enregistrements qui avaient été réalisés par Stokowski, ou plutôt sous la direction de Stokowski, parce qu'il s'était beaucoup préoccupé de la prise de son, ces enregistrements étaient faits selon une méthode de prise de son assez révolutionnaire à l'époque, à savoir un très grand nombre de microphones qui allaient chercher chaque groupe de l'orchestre, là où il se trouvait dans l'orchestre, et on a tout placé sur un plan de présence. On a eu, à ce moment-là, l'impression d'entendre un certain nombre d'œuvres et des transcriptions de Jean-Sébastien Bach, notamment, comme jamais on ne les avait entendues. Et il y a eu un moment de surprise qui a été agréable. Et ces enregistrements étaient encore très surprenants en 1945. Ils étaient encore surprenants en 1945 quand une autre tendance est apparue. Et c'est là, une tendance qui a détrôné la première. D'abord, depuis est apparu l'enregistrement sur micro-sillon, avec des matières plastiques à base de vinyle, ce qui a permis de diminuer très sensiblement le bruit de surface, qui était sans doute la portion la plus gênante du bruit de fond. Ça a été une amélioration, on a eu l'impression de se rapprocher de la haute fidélité. Et puis ensuite, on a introduit d'autres facteurs, tels que un taux de réverbération acceptable, qui donnait l'illusion de replacer un peu plus davantage dans l'ambiance d'une salle de concert. Et ainsi de suite. Autrement dit, chaque fois que l'auditeur a été satisfait un petit peu plus qu'il ne l'était précédemment, c'est en fait chaque fois qu'on lui a présenté une version différente sur le plan purement sensible, sur le plan sonore, une version différente d'une œuvre qu'il connaissait déjà. C'est pourquoi je disais il faut un petit peu d'étonnement, mais pas trop, parce que en fait il semble que les facultés d'étonnement avec plaisir se limitent à ce que Stravinsky aurait appelé les franges de l'œuvre, c'est-à-dire sa perfection sonore, enfin un petit peu tout ce qu'on met autour, y compris d'ailleurs la littérature qu'on fait autour, tout ça, ça fait partie des franges de l'œuvre. Et je pense qu'il faut non plus pas trop d'étonnement, parce que s'il s'agit d'une œuvre dont le contenu musical est d'une très grande complexité, il se peut quelquefois, et il s'est produit assez souvent, que quelle que soit la beauté sonore qu'il y a autour de sa simple ossature sensible, eh bien, cette œuvre passe quand même à côté du public. Et je voudrais en donner comme exemple et comme preuve, non pas une œuvre moderne, dont on peut dire pourtant que c'est souvent l'excès de complexité, c'est-à-dire ce qui serait l'excès d'étonnement qui rend la compréhension difficile, mais même certaines œuvres classiques qui n'ont jamais rencontré auprès du grand public la faveur de certaines autres œuvres classiques. Par exemple, je citais tout à l'heure Vivaldi. Avec Vivaldi, il n'y a pas de problème. On sait qu'un concerto de Vivaldi, d'ailleurs Malipiero a prétendu que Vivaldi n'avait jamais écrit 600 fois le même concerto, on sait qu'un concerto de Vivaldi obéit à une certaine quantité d'habitudes qui sont déjà bien rentrées dans l'esprit de l'auditeur moyen. Il n'y aura donc pas de surprise. On pourra jouir tranquillement et pleinement de ce qu'on connaît déjà avec la satisfaction sonore qui est autour. Mais si je prends par exemple la Grande Fugue de Beethoven, alors là, on se trouve, bien que ce soit du Beethoven, et le nom rassure l'auditeur moyen, on se trouve en face de quelque chose qui reste très difficile à comprendre. Et pourtant, on peut dire que Beethoven, qui à cette époque, on le sait, était sourd, avait rêvé quelque chose qui était un peu comme l'art de la fugue de Bach, une musique assez abstraite. On se demande d'ailleurs comment, avec les violons de l'époque qui avaient encore des chanterelles en boyau et qui cassaient souvent, comment il était possible de donner une version satisfaisante de la Grande Fugue. Et il est très vraisemblable que les seules versions satisfaisantes de la Grande Fugue sont les versions modernes, justement, faites avec des violons modernes et avec les procédés d'enregistrement modernes qui adoucissent beaucoup la quasi-impossibilité du quatuor à cordes de se prêter aux acrobaties qu'exigeait de lui Beethoven. Vous avez écrit également que la haute fidélité est un phénomène évolutif, bien plus qu'une réalité statique. Faut-il là également faire un parallèle avec une évolution probable, un perfectionnement de l'oreille humaine? Alors là, je crois qu'il faut être beaucoup plus prudent, parce que je ne pense pas que sur le plan physiologique, l'oreille humaine ait sensiblement évolué depuis plusieurs millénaires, encore qu'il n'est pas impossible qu'elle évolue. Mais les changements anatomiques et physiologiques sont à très lent rythme. Par contre, il y a une chose dont je suis persuadé et qui date de l'enregistrement, c'est que la manière dont l'esprit humain perçoit les sensations que lui envoie l'oreille, alors cette manière, elle, a changé, certainement. Et je n'en veux pour preuve, d'ailleurs, que les différentes conceptions que nous avons maintenant et qui sont sensibles si nous commettons l'imprudence d'entendre des très vieux enregistrements. Je me souviens avoir eu plusieurs fois des discussions avec des musiciens d'orchestre déjà assez âgés qui avaient connu l'époque héroïque de l'enregistrement et qui disait « Mais autrefois, vous savez, ça marchait très bien, on avait pourtant qu'un micro à charbon, qu'on mettait un peu n'importe où, et puis ce qu'on en écoutait, c'était formidable. » Et je me souviens avoir fait une fois l'expérience d'avoir repris un de ces vieux enregistrements qui m'avait été très vanté par l'un de ces musiciens âgés, lui fait entendre, et il m'avait dit « Mais c'est pas possible, c'est parce qu'il a vieilli, il s'est détérioré en vieillissant, et pourtant, on peut dire que le support n'avait pas varié, ne s'était pas détérioré, ne s'était pas usé, mais que ce qui s'était usé, c'était sa faculté d'étonnement, parce que, depuis, il avait eu bien d'autres raisons de s'étonner avec des enregistrements qui étaient bien meilleurs. » Je crois, alors pour en revenir à la question de l'évolution de l'oreille humaine, je crois qu'il n'y a pas d'évolution de l'oreille, mais qu'il y a une évolution de la perception. D'ailleurs, aussi bien des textes que des enregistrements en font foi. Il est difficile d'entendre actuellement certains enregistrements d'un violoniste d'ailleurs décédé et autrefois célèbre, parce que maintenant, pour nous, il ne joue pas juste. On ne s'en apercevait pas à l'époque. Dans le traité d'orchestration de Berlioz, par exemple, Berlioz lui-même se montre très tolérant en ce qui concerne l'accord des timbales. Que dit-il ? Il suffit d'accorder à la tonique et à la dominante, et puis, mon Dieu, en cas de modulation, ça se débrouille toujours un petit peu. Voilà des choses qu'une oreille moderne ne supporte plus. Nous sommes devenus très exigeants, y compris sur l'accord des timbales. Et quand je dis « nous », je parle non seulement des musiciens, mais même de l'auditeur moyen. Bien sûr, on pouvait être très difficile du temps où l'expression sonore était très fugitive, mais on est beaucoup plus difficile du jour où cette expression est gravée et fixée. Et je suppose que vous êtes d'accord avec moi pour penser que, précisément, le disque, pour ne parler que du disque, qui est à la portée de tout le monde, a perfectionné cette perception, l'a rendue plus difficile, sûrement, plus exigeante. Sûrement, et pour plusieurs raisons. Je crois. D'abord, le disque a mis la musique, avec la radio d'ailleurs, il faut dire, a mis la musique à la portée de tout le monde. Et on peut presque dire maintenant de toutes les bourses. Parce que, mon Dieu, le disque moderne, qui est d'une qualité technique supérieure au disque ancien, est cependant beaucoup moins cher que le disque ancien si l'on compte à la minute de musique. Et d'autre part, le disque a permis des comparaisons immédiates. Je me souviens avoir lu autrefois, par exemple, des comptes rendus de concerts où il y avait des querelles concernant certains interprètes et à propos de grands pianistes. Et je me souviens d'envoler dithyrambiques de je ne sais plus quelle critique à propos du jeu des grands pianistes du 19e siècle, par exemple Moscheles, Thalberg, Chopin, Liszt, etc. Eh bien, il est vraisemblable que si l'enregistrement avait existé, les envolées auraient sans doute été moins lyriques. Et la comparaison aurait certainement été beaucoup plus judicieuse parce que le critique en question aurait pu, dans la même heure et à propos des mêmes œuvres, comparer immédiatement le jeu de Thalberg à celui de Liszt, par exemple, celui de Liszt à celui de Chopin, comme nous faisons maintenant du jeu de Richter avec celui de Gilels ou de Horowitz. Et nous en déduisons après des avis qui ne sont d'ailleurs souvent que des préférences. Mais ce qui est certain, c'est que aucun de ces grands interprètes ne peut se permettre une imperfection technique que certainement les grands interprètes d'autrefois se permettaient. Mais est-ce que vous pensez que le disque et l'enregistrement en général a fait progresser l'interprétation dans le bon sens du terme ? Ça, je n'en suis pas sûr, parce que le bon sens du terme suppose une grande relativité. En fait, qu'est-ce que nous appelons une bonne interprétation ? Surtout quand il s'agit d'une œuvre assez abstraite. Et là, j'ai l'air de tricher et de tourner autour des œuvres dont on sait qu'elles sont très abstraites, mais parce que ce sont elles qui posent avec le plus d'acuité, justement, cette question de l'interprétation. Qu'est-ce qu'une bonne interprétation ? Est-ce que c'est la pensée du compositeur restituée telle qu'elle, ou telle que nous supposons qu'elle ait pu être la sienne, au moment où il a écrit l'œuvre ? Ou est-ce que c'est au contraire une recréation ? Est-ce que c'est au contraire ce que nous faisons en plus ? Il y a des grands musiciens qui ont prétendu que l'interprétation était une recréation. Par exemple, Liszt, pour qui cette question de l'interprétation était quelque chose de tout à fait évident. Il y en a d'autres qui ont prétendu que c'était un respect extraordinaire. Mon opinion personnelle, qui n'a rien d'original, parce que je crois que c'est à peu près celle de tous les musiciens en ce moment, est qu'il y a un juste milieu entre cette recréation et cette restitution. Et je vais en donner un exemple tout de suite en ce qui me concerne. Je prends un égal plaisir à cette version de l'offrande musicale, par exemple, qui est vraiment une reconstitution aussi honnête que possible, et à cette autre version de l'offrande musicale que nous allons entendre aussitôt après, qui est en réalité une recréation de l'œuvre par un autre grand musicien qui est Anton Webern, mais on peut à bon droit prétendre que ce n'est plus du tout du Jean-Sébastien Bach, que c'est devenu autre chose. Et je crois que le problème de l'interprétation commence déjà à ce point. Alors la première version d'abord. La première interprétation qui est très classique et qui est une interprétation dans le fond musicologique sous la direction de Karl Richter. Karl Richter qui est lui-même au clavecin pour cet enregistrement. Et voici maintenant l'interprétation d'Anton Webern. En juger par vos premières réactions, Michel Philippot, il y a une question qui me paraît bien inutile de vous poser, c'est êtes-vous pour ou contre l'enregistrement sonore? J'ai l'impression que vous êtes pour. Je suis pour, indépendamment même de tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici et indépendamment des avantages que l'enregistrement sonore représente pour la musique et pour sa diffusion, mais je serai pour une question encore beaucoup plus banale qui serait l'argument suivant. Puisqu'il est possible de le faire, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas. Pourtant, vous émettez quand même certaines réserves quant au résultat. Par exemple, il y a un mot que vous avez souligné dans votre étude, c'est le mot frustration. Frustration à deux points de vue. De la part de celui qui donne du son à ses semblables, si je m'exprimer ainsi, et frustration qui est une sensation que reçoit l'auditeur qui se trouve devant son haut-parleur. Eh bien, la frustration est le résultat, du moins tel que je l'avais compris là, est le résultat d'une promesse non tenue. Cette promesse peut ne pas être tenue pour le compositeur, qui, habitué à voir l'enregistrement sonore faire un certain nombre de merveilles, a quelquefois écrit des choses qui, abstraitement, sont excellentes, certains mélanges de timbres, tels que celui de la flûte ou du trombone, par exemple, sont excellents, mais on sait que dans une salle de concert, une flûte dans le grave jouant en pianissimo avec un trombone dans le médium jouant fortissimo, ça ne donne pas de très bons résultats. Du moins, on n'entend pas la flûte. Par contre, avec des artifices de prise de son, on peut quelquefois arriver à faire donner quelque chose à ce genre de mélange. Et il est arrivé alors que certains compositeurs ont cru écrire certaines choses, mais que, en fait, physiquement, ils avaient écrit une autre chose, d'où une déception lorsqu'ils entendent l'œuvre, soit en salle de concert, soit après un enregistrement, lorsque l'habileté de la technique n'a pas réussi à vaincre les difficultés qui étaient posées par l'œuvre en question. Et puis, il y a une autre frustration qui est celle de l'auditeur, qui vient également d'une promesse non tenue, c'est que, quelquefois, on habitue l'auditeur à une certaine certitude d'entendre toujours des merveilles. Or, il n'entend pas toujours des merveilles. Quelquefois, il entend tout simplement ce que la technique est capable de lui fournir, et ce n'est pas forcément une version idéale. Ce qui est étonnant, c'est que ce sentiment de frustration est assez peu éprouvé dans des salles de concert, alors que je peux certifier pour ma part qu'il m'a été donné d'être assis à certaines places qui coûtaient d'ailleurs fort cher, et à ces dites places, on n'entendait que la moitié de l'orchestre. Et c'est une chose qu'on ne supporte pas lorsqu'il s'agit d'un disque, qui est en quelque sorte une matière musicale prédigérée, et qu'on supporte très bien dans une salle de concert, d'où ce miracle de la haute fidélité psychologique, encore une fois. Précisément, pour en revenir à cette haute fidélité, et un peu pour nous résumer, on peut la voir sous deux aspects. Un aspect physique, objectif, une sorte de photographie des sons, et puis un aspect idéal dans lequel l'imagination jouerait le principal rôle. Par exemple, le souci de fidélité est-il de faire entendre seulement la vérité, c'est-à-dire de donner cette photographie, ou bien de donner quelque chose d'autre, de mieux ou de différent ? Mais je vais répondre par une comparaison en ce qui concerne le souci de vérité. Est-ce que un bon portrait d'un personnage serait sa fiche anthropométrique avec les photographies de face et de profil réalisées par les services de la préfecture de police, dont on sait que ce sont de bonnes photographies, ou est-ce que ce serait une photo réalisée par un excellent photographe, artiste photographe, qui essaye de traduire certains caractères qui sont non seulement les caractères du personnage, mais son caractère propre? Je crois que la réponse est du même ordre. C'est qu'il s'agit d'une vérité esthétique qui vise à une certaine efficacité en ce qui concerne les sensations éprouvées par l'auditeur et que cette efficacité n'est pas celle de la fiche anthropométrique. Par contre, pour le physicien qui cherche les moyens d'établir une fiche anthropométrique, le problème serait tout à fait différent. Vous allez donc me parler, je suppose, de l'écoute intelligente. Oui, j'allais en effet en parler parce que je crois que dans cette restitution de la vérité et dans cette transposition qu'il y a entre la salle de concert et le disque, c'est un phénomène primordial. Mais il serait bon d'abord d'expliquer ce que c'est que l'écoute intelligente parce que il y a dans le fond assez peu d'intelligence là-dedans. Le terme a été lancé et surtout l'expression a été trouvée par von Bekesi, qui a eu, je le rappelle, le prix Nobel en 1962 pour ses travaux d'acoustique physiologique. L'écoute intelligente, c'est tout simplement le phénomène suivant. Supposons que je vais au concert, je paye ma place, je suis installé à une bonne place. Et j'écoute une œuvre pour violon et orchestre. À aucun moment, je n'aurai l'impression que le violon est couvert par l'orchestre, ou si j'ai cette impression, elle sera toujours assez largement corrigée par le fait que mon attention se portera vers le soliste, violon, au détriment de l'orchestre peut-être, mais que le fait que je puisse voir et orienter mon écoute dans telle ou telle direction me permettra, à mon insu d'ailleurs, et tout à fait inconsciemment, de rétablir un équilibre qui, du point de vue purement acoustique, est en réalité très compromis. Je n'en veux pour preuve que le fait que si je mets à la place que j'occupais un microphone d'excellente qualité, avec une chaîne d'excellente qualité et que j'aille ensuite écouter à l'autre bout par un haut-parleur, eh bien, alors là, je ne retrouverai qu'une bouillie sonore que aucun commerçant ne s'aviserait de vendre sur disque. Par conséquent, il y a dans le travail de prise de son toute une cuisine qui s'efforce de rétablir cet équilibre qui, lui, est d'ordre en partie psychologique et qui est donné par cette faculté que nous avons, faculté que von Beckesi a appelée l'écoute intelligente, qui est la même faculté d'ailleurs qui nous permet d'avoir une conversation avec notre voisin de restaurant, bien que l'ambiance soit très brillante, qui nous permet de sélecter parmi le monde sonore qui nous entoure ce que nous voudrions entendre de préférence à ce que nous entendons. C'est-à-dire, ça nous permet d'écouter plutôt que d'entendre. En ce qui concerne l'enregistrement sonore, eh bien, ce travail d'écoute intelligente que le micro seul ne peut pas faire parce que le micro, lui, transmet tout ce qu'il entend, doit donc être fait par le preneur de son avec différentes méthodes, soit en placement de divers microphones, soit en placement judicieux d'un seul microphone. Mais vous avez des expériences personnelles. Et j'allais justement vous proposer une expérience personnelle, et j'avais pris l'exemple d'une œuvre pour violon et orchestre, parce que j'allais justement vous proposer d'écouter quelques fragments de la symphonie espagnole de Lalo, dans lequel il y a un violon qui doit être séparé de l'orchestre, sans être trop séparé de l'orchestre, parce que ce n'est tout de même pas vraiment un concerto, mais dans lequel il y a en permanence un certain équilibre, un certain jeu, obtenir entre les instruments que l'on désire entendre et ceux que l'on doit, alors par le haut-parleur, qui est simplement un trou au travers lequel tout sort, qu'on doit entendre effectivement. Proposant cet exemple, qui est une expérience personnelle, vous avez abordé le problème de la prise de son, des différentes méthodes de prise de son à micro unique ou à micro multiple, et on pourrait peut-être aborder en même temps la question de la stéréophonie. Selon vous, la stéréophonie est-elle un progrès dans la haute fidélité? Et tout d'abord, qu'est-ce que la stéréophonie? Je ne peux répondre à la question « qu'est-ce que la stéréophonie ?» qu'en adoptant d'ailleurs une position de principe personnel. Étymologiquement, ça voudrait dire « c'est la restitution du relief sonore ». Seulement, ce relief s'effectue dans plusieurs directions. Il y a un relief en profondeur et puis il y a un relief de gauche à droite. Passons sur les artifices techniques grâce auxquels on réalise la stéréophonie, mais je crois personnellement que ce que j'appellerais la véritable stéréophonie, c'est une restitution surtout du relief en profondeur et évidemment du relief latéral, mais que le petit jeu qui consiste à entendre un instrument à gauche ou à entendre un instrument à droite est musicalement sans intérêt. Je n'attache aucune importance au fait que cet emplacement soit à gauche ou à droite, mais une grande importance au fait que cet emplacement ne soit pas le même pour tous les instruments. Là, on rejoint la faculté d'écoute intelligente qui est restituée par la stéréophonie. Et ensuite, pour répondre à la première question qui était « Est-ce que la stéréophonie apporte un agrément ?» Certainement. D'abord, le fait de multiplier les haut-parleurs, même en ajoutant un deuxième haut-parleur, provoque une dilution de la source sonore qui n'est plus une source unique et une diminution très appréciable, très considérable de la fatigue auditive. Effectivement, j'ai remarqué qu'à niveau égal, une écoute stéréophonique est beaucoup moins fatigante qu'une écoute monophonique. Et je crois que c'est beaucoup moins fatigant parce qu'on se retrouve dans une situation d'auditeur beaucoup plus normale. Même si l'on n'entend qu'un seul musicien dans une salle de concert, et où on a l'impression qu'il n'y a qu'une source sonore, en réalité la source sonore est multiple, parce qu'il y a non seulement ce musicien, mais il y a les murs. Et le son nous vient d'un peu partout. D'autre part, le fait que nous soyons replacés dans des conditions d'écoute beaucoup plus normales, beaucoup plus humaines, nous permet de tolérer certaines imperfections qui pourtant ne sont pas négligeables. J'ai déjà pu faire personnellement l'expérience qu'une distorsion qui était insupportable sur un seul haut-parleur, en écoutant par exemple la voix gauche de la stéréophonie seule et ensuite la voix droite seule, cette distorsion devenait très supportable et pratiquement inaudible si on n'y portait pas une attention spéciale lorsqu'on pratiquait l'écoute stéréophonique avec les deux voix. Il se trouve également que les marges dynamiques, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre le pianissimo et le fortissimo, paraît beaucoup plus normale en stéréophonie qu'en monophonie. Et je crois que l'important, ce n'est pas tellement le fait de savoir s'il s'agit vraiment de stéréophonie, parce que en tant que spécialiste, on peut toujours discuter sur le terme et de savoir s'il s'agit de vraie ou de fausse stéréophonie. Mais pour l'auditeur, ce qui est important, c'est que indiscutablement, le phénomène sonore se trouve pour lui enrichi, se trouve plus agréable, plus paré de couleurs diverses, et que cela contribue donc au sentiment de haute fidélité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup à faire pour éduquer l'amateur, le public, dans la manière d'écouter des disques ? Certainement, il y a fort à faire. Et ce certainement est chez moi nuancé de regret, parce qu'en fait, il y a non seulement une question d'éducation, mais il y a aussi une question de possibilité financière. Chacun sait qu'un très bon équipement revient tout de même, encore à l'heure actuelle, assez cher, bien qu'il y ait de très gros progrès en la matière. Ça revient tout de même assez cher. Mais il y a une éducation à faire dans la manière d'écouter les disques qui serait une certaine libération a priori de ce sentiment de frustration dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas exiger de la technique plus qu'elle ne peut fournir. Et là, il y aurait peut-être une éducation à faire aussi, même dans la manière d'acheter des chaînes de retransmission, parce qu'il faudrait que l'auditeur sache ce qu'il peut attendre de sa chaîne. Il y a eu, à une certaine époque, un slogan qui avait été lancé, non pas en ce qui concerne les matériels de retransmission sonore, mais en ce qui concerne les appareils de photographie, je ne sais plus quelle grande marque avait lancé ce slogan publicitaire en disant « Vous avez toujours un excellent appareil de photographie, si vous n'en êtes pas content, c'est parce que vous n'avez pas l'appareil qui vous convient à vous. » Et que vous lui demandez des choses qui n'étaient pas faites pour faire. Je crois que c'est un petit peu le même genre de problème qui se passe avec la reproduction sonore. Mais de toute façon, ce sentiment de frustration disparaît en grande partie avec la stéréophonie, tout au moins devrait disparaître. À condition qu'on n'attende pas de la stéréophonie ce qu'elle n'est pas non plus capable d'apporter. Je vous repose la même question à propos de l'autre bout du circuit. Y a-t-il une éducation à faire dans la manière d'enregistrer en stéréophonie ? Oui, mais cette éducation se fait forcément à partir du moment où on a affaire à un praticien qui s'intéresse à la question. C'est très vrai, l'éducation se fait de manière bilatérale. En fait, c'est un petit peu la même chose que pour l'interprétation. Vous connaissez parfaitement une symphonie de Beethoven, par exemple, et puis vous en entendez une nouvelle interprétation qui paraît meilleure, et brusquement on a l'impression d'avoir appris quelque chose, mais le fait pour le chef d'orchestre de s'apercevoir que sa dernière interprétation a eu davantage de succès qu'une interprétation qu'il en avait donnée avant, le détermine à faire ressortir de préférence certains instruments que certains autres de façon à gagner en originalité, ce qui n'est pas toujours heureux. Enfin, il y a un échange toujours entre le fournisseur, entre l'émetteur de ce matériel sonore et le consommateur. Et je crois que le consommateur réagit effectivement sur le fournisseur. La prise de son idéale serait donc celle qui essaierait de restituer à la fois ce que le compositeur aurait pensé et en même temps ce que le public en attend. Parce que le public en attend des choses différentes suivant les époques. C'est à peu près certain si on reprend justement la musique des siècles passés. Et en même temps à reconstituer, alors là c'est un art en fait, à reconstituer dans l'ambiance pour laquelle on s'imagine que cette musique a été faite. Ceci est assez symptomatique, par exemple, lorsqu'il s'agit d'enregistrements d'orgue, on en fait d'excellente qualité maintenant. En ce qui concerne ces enregistrements, on s'efforce de reconstituer non seulement le timbre de l'instrument, et de lui donner une vie particulière qui est importante, puisque s'il n'y avait pas l'enregistrement, on serait toujours obligé de faire le voyage pour aller au lieu où se trouve l'orgue en question, mais encore la sonorité, la réverbération, l'ambiance de l'église dans laquelle l'enregistrement s'est effectué. Voici par exemple un enregistrement que je trouve excellent en la matière et qui est un document sonore concernant un des vieux orgues français, celui du Petit Andely. Je comprends bien, vous demandez au technicien idéal d'être un artiste et un interprète. Mais que demandez-vous à l'auditeur idéal ? Parce que j'ai lu que vous avez employé cette expression. Oui, alors l'auditeur idéal, et d'ailleurs comme l'interprète idéal, c'est quelque chose que l'on peut souhaiter mais qui existe assez peu. Parce qu'il faut préciser pourquoi il est l'auditeur idéal. Je crois que dans l'étude à laquelle vous vous référez, j'avais parlé d'auditeur idéal à propos d'une œuvre musicale en disant que c'était celui qui, étant en mesure de prendre connaissance de la partition, savait donc en quoi consistait l'œuvre et était libéré de toute contingence technique au moment où il l'écoutait, de façon à pouvoir simplement se livrer au plaisir de la matérialisation ou pour employer une expression de Souriau, à la sensualisation d'une œuvre qu'il connaît déjà. En fait, l'auditeur idéal connaît déjà l'œuvre, a fait l'effort de la connaître et est donc tout à fait disponible pour l'écouter et pas seulement l'entendre. Mais je crois que cette notion d'auditeur idéal et celle qu'aurait un orfèvre d'une bague, c'est-à-dire que c'est l'auditeur tel que le souhaite, du moins ainsi que j'en ai parlé, et je dois en faire la confession publique ici, c'est l'auditeur tel que le compositeur souhaite qu'il l'ait pour ses propres œuvres, ou tel que l'interprète souhaite avoir cet auditeur. En fait, l'auditeur idéal, ça serait le parfait auditeur mélomane à la fin de sa vie, quand il commence à avoir pris connaissance de toutes les œuvres qu'il aime. Vous avez parlé de compositeur, alors permettez-moi de me placer sur un terrain qui vous est beaucoup plus personnel, celui précisément du compositeur. Vous êtes compositeur, et le fait que les sons aujourd'hui peuvent être conservés et travaillés une fois qu'ils sont conservés a permis l'éclosion d'une école nouvelle du point de vue esthétique. C'est la vôtre. Oui et non, je ne prétendrai pas appartenir à une école qui soit entièrement nouvelle du point de vue esthétique, mais je crois que c'est, en général, la vocation de tout artiste et de tout compositeur d'appartenir à une école nouvelle parce qu'on n'a jamais fait d'œuvre d'art en reproduisant purement et simplement le passé. Je crois que chaque fois, un artiste digne de ce nom a eu une certaine ambition d'apporter quelque chose de plus que ce qui se faisait avant, ou quelque chose de nouveau. Personnellement, d'ailleurs, je crois que ceci nous fait sortir un petit peu de notre sujet, mais je crois que l'ambition du véritable révolutionnaire en art est toujours d'ajouter et pas de retrancher. Il ne s'agit pas de démolir les écoles précédentes, il s'agit de construire sa propre école. Mais je veux dire simplement qu'il y a une position nouvelle du compositeur qui peut travailler non seulement des sons abstraits, mais cette fois-ci des sons concrets. Oui, il y a une situation privilégiée au XXe siècle, qui est non seulement une situation privilégiée pour le compositeur, mais aussi pour l'acousticien. C'est-à-dire que l'enregistrement sonore a permis de transformer cet événement qui était éminemment fugitif, qui était un son, a permis de le transformer en quelque chose qui était stable dans le temps. Et on pourrait résumer ça de la manière suivante. C'est une réflexion qui a été faite par le professeur Moll, que l'un des principaux mérites de l'enregistrement avait été de faire bénéficier le son, qui est un phénomène temporel, de certains des avantages qui étaient autrefois réservés à l'espace. Ainsi, fixation et conservation presque indéfinies, possibilité d'être retourné, c'est-à-dire de faire passer une bande magnétique à l'envers, possibilité d'être découpé comme l'est l'espace, possibilité de voir intercaler les morceaux, à savoir possibilité du montage, possibilité de superposition, c'est-à-dire mixage et arrangement successifs. Et je crois que c'est cela, effectivement, qui est très important, parce qu'il était normal que des compositeurs songent à en profiter, puisque la chose existait. Vous voyez que nous étions en plein dans notre sujet, qui était, comme vous le savez, l'art et l'usage de l'enregistrement sonore et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, avez-vous remarqué, Michel Philippot, que notre générique est emprunté à la musique qu'ont composé ensemble Pierre Schaeffer et Pierre-Henri pour Orphée? Oui, je l'avais remarqué, bien entendu, et ceci est un exemple, d'ailleurs, de l'utilisation judicieuse qui peut être faite de matériaux sonores qui ont été provoqués par l'enregistrement. Je crois, d'ailleurs, que l'enregistrement a donné les moyens de manipuler ces matériaux sonores qui, en fait, existent dès le début de l'électronique. Puisque je crois que c'est vers 1921 que le pionnier des pionniers en la matière, qui était Jörg Mager, un homme qui avait inventé des quantités de choses et qui malheureusement est mort assez misérablement par suite de l'arrivée en Allemagne du national-socialisme, Jörg Mager donc avait dit « Grâce à l'électronique, nous allons avoir devant nous l'océan des sons ». Malheureusement, cet océan des sons s'est révélé, en ce qui concerne la création de son nouveau, s'est révélé assez restreint. Certains théoriciens ont paraphrasé la phrase de Jörg Mager en disant « l'océan des sons n'était qu'une petite mare ». C'est vrai, ce qui prouve que, en fait, l'utilisation de ces nouveaux sons n'élute pas du tout, bien au contraire, le problème de la composition, et qu'il s'agit de les organiser, de s'en servir d'une manière que nous avons déjà remarquée tout à l'heure, être judicieuse. Et ce que nous pouvons constater maintenant en écoutant un passage un peu plus long, si vous voulez bien, de cet Orphée. Orphée est seul. La chambre est une cage. La cage est un tombeau. Orphée devient un tigre, inquiet, royal, les yeux remplis d'espace et les reins lourds de solitude. Orphée devient un aigle et la chambre n'est plus. Et la terre est en bas, ridicule, petite boule prétentieuse et bruyante. Orphée devient un rat. Il a peur. Il se cache. Il se cache dans son cœur troué comme un fromage. Orphée devient un caillou, il ne pense plus. Il ne tourne plus en rond, il est là, il est bien. C'est presque le bonheur. Lance le caillou à travers la porte. Orphée court. Une créature étrange lui barre le passage. Et la créature suit Orphée. Imite Orphée, devient Orphée, l'Orphée total, mâle et femelle, l'Orphée divin, stable, enroulé sur lui-même comme un serpent sans commencement ni fin. Thank you. Mais l'homme rejette cette plénitude. Rapide, le meurtre, et puis enfin, la fuite. Bien, après cet exemple tiré d'Orphée, de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, il nous faut conclure. Et vous vous doutez bien que notre conclusion aura trait à la fidélité. Et pourquoi ne pas le dire, la fidélité totale, mais dans laquelle l'illusion et l'imagination joueraient un grand rôle. Certainement, l'illusion et l'imagination jouent le rôle principal. Parce que la fidélité totale, alors si nous la prenions au sens du physicien qui serait par surcroît, comme tout physicien digne de ce nom, un des adeptes de la théorie des communications, de la théorie de l'information, la fidélité totale ne pourrait être concevable qu'au prix de la reconstitution de la totalité des événements qui déterminent l'écoute d'une œuvre. C'est-à-dire qu'il faudrait reconstruire chez soi la salle de concert, etc., etc. Ce qui, bien entendu, est impossible. Par contre, si l'on parle de l'illusion et de l'imagination, on se trouve ramené à un problème exactement similaire de celui de l'interprétation d'une partition. Et alors là, je suis tout à fait d'accord pour penser qu'on arrive à une fidélité très satisfaisante qui est une interprétation. Et ce serait sous-estimer le preneur de son, ce serait lui faire injure que de ne pas le considérer comme un interprète, presque au même titre que le musicien d'orchestre classique. Et en ce qui concerne la fidélité totale, d'ailleurs, j'ai cité tout à l'heure le professeur Moll, je voudrais citer un de ses mots lorsqu'il disait « Après tout, la fidélité, ce n'est que l'absence d'infidélité perceptible. » Et que les autres infidélités, eh bien mon Dieu, on s'en arrange. Et je crois qu'il est vraisemblable que ce que nous souhaitons comme devant être la haute fidélité est en fait une trahison, au même titre que la trahison de l'interprète lorsqu'il fait sienne l'œuvre d'un autre que lui, c'est-à-dire d'un compositeur. Mais la plus heureuse et la plus merveilleuse est trahison. C'est tout le secret de l'interprétation. Ce secret de l'interprétation, Michel Philippot, il n'est pas question de le percer, mais peut-être est-il permis d'y rêver et d'y penser en écoutant les quelques disques que vous avez bien voulu préparer pour illustrer notre entretien. Et justement, s'il s'agit du secret de l'interprétation, il ne faut pas oublier que cette interprétation se situe également au niveau de la restitution sonore. C'est pourquoi j'ai choisi une symphonie de Haydn, parce que nous sommes à peu près certains que l'orchestre moderne est capable de performances bien supérieures à celles que pouvaient se permettre les orchestres que Haydn avait à sa disposition. Et non seulement l'orchestre, mais encore les conditions acoustiques, l'équilibre idéal des instruments, ce que précisément est parvenu à obtenir l'ingénieur du son qui était responsable de la version que nous allons entendre de cette symphonie en si majeur de Haydn sous la direction de Richard Schumacher. Thank you. Thank you. De cette symphonie numéro 46 de Joseph Hind, nous avons entendu seulement les deux premiers mouvements, Vivace et Poco Adagio, pour nous permettre de multiplier les exemples de cet entretien. Et maintenant, Michel Philippot. Eh bien, maintenant, je crois que nous pourrions tourner nos oreilles, tourner notre écoute vers des œuvres du XXe siècle, parce que là, au XXe siècle, nous savons au contraire que les compositeurs avaient un grand souci de la couleur sonore et les musiciens et l'ingénieur du son deviennent par conséquent beaucoup plus des interprètes fidèles qu'ils ne sont des interprètes créateurs dans les œuvres passées. Je crois qu'on ne pourrait mieux choisir qu'en prenant quelques œuvres parmi celles qui ont été écrites par les plus grands magiciens de l'orchestre, et l'un des plus grands magiciens de l'orchestre est sans contredit Claude Debussy, dont je vous propose d'écouter « Je ». Thank you. Vous avez entendu « Jeu » de Claude Debussy par l'orchestre de la Suisse romande sous la direction d'Ernest Ansermet. Maintenant, je voudrais vous proposer deux œuvres d'un musicien que l'on a considéré jusqu'à ces dernières années comme faisant partie de l'extrême avant-garde. Mais on oublie souvent que l'avant-garde bien comprise n'est que le respect d'une tradition que l'on continue. Et c'est pourquoi j'ai pris deux œuvres de ce musicien. Dans chacune de ces deux œuvres, ses intentions sont clairement exprimées. Avant d'aller plus loin, je crois qu'il serait judicieux d'écouter la première, qui est la Passacaille d'Anton Webern, opus 1. Il s'agit de la première œuvre du compositeur, qui s'y révèle déjà comme un grand maître. Thank you. Thank you. L'orchestre était placé ici sous la direction de Robert Kraft. C'est également Robert Kraft qui va nous donner une version des 6 pièces pour grand orchestre du même Anton Webern. Avec les 6 pièces pour grand orchestre, la notion de tonalité a disparu, mais la rigueur architecturale presque note par note qui était chère à Webern et qui atteindra son point culminant dans quelques-unes de ses œuvres postérieures, cette rigueur architecturale s'y manifeste déjà, non seulement en ce qui concerne les données traditionnelles de la musique occidentale, c'est-à-dire la hauteur des sons, mais également en ce qui se concerne le choix des timbres et la manière exceptionnellement raffinée dont sont manipulés les différents groupes instrumentaux. Thank you. Pour terminer cette émission, nous avons entendu à l'instant les 6 pièces pour grand orchestre d'Anton Webern. Il me reste, Michel Philippot, à vous remercier d'avoir tenté en ma compagnie de percer le mystère de la fidélité et de la haute fidélité même en matière d'enregistrement et de reproduction sonore. C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erismann sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois le 28 juillet 1964 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.